Bonjour. Là, est-ce que c'est plus clair? Et depuis que nous avons restructuré les communautés, le conseil et Jacques ont été appelés à réfléchir un petit peu au rôle que Jacques allait tenir donc dans les prochains mois, années. Et puis, nous lui avons demandé de réfléchir de son côté à comment il voyait les choses. Et puis, au fil de l'été, Jacques a pris vraiment l'été pour réfléchir là où il en était rendu. Vous savez qu'il a mis en veilleuse aussi certains projets pour nous accompagner, entre autres en République dominicaine, pour ceux qui le savent. Donc, Jacques nous a informés, après réflexion, qu'il désirait laisser l'Église en ce moment là où elle est, la confier, je dirais, plutôt à ceux qui sont en place. Jacques pourra vous en parler davantage sur tout son cheminement. Mais c'est ça. Donc, Jacques nous quitterait dans les prochaines semaines, donc probablement fin septembre, c'est ce qui a été discuté. On peut comprendre que pour beaucoup, ça va être un sujet de tristesse parce qu'on s'est attaché à Jacques, mais Jacques va vous partager tantôt un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne le reverra plus du tout à tout jamais. Mais son rôle en tant que conseiller, consultant, pour lui, la boucle est un peu bouclée. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui lui tiennent à cœur. Je le laisserai s'exprimer davantage, mais je voulais, en tant que membre du conseil, vous informer de ce fait-là. Et puis, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre que je peux rajouter, sauf le fait, ah oui, bien c'est sûr qu'on va vouloir souligner toute l'implication, toute la part que Jacques a eue dans les dernières années. On ne peut pas le laisser comme ça. On a prévu que le 16 octobre, donc mettez ça dans votre agenda, le 16 octobre, il y aurait vraiment un temps après le culte où on va se réunir, puis on va partager ensemble autour d'un petit goûter, puis qu'on va pouvoir prendre le temps de remercier, puis de saluer Jacques comme il faut. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je suis un peu émue parce que j'ai travaillé pendant 4 ans avec Jacques. Puis je sais que dans la vie, il y a des étapes, puis que là, il est comme à une autre étape. Je voulais juste vous assurer que ça s'est fait, le conseil, ça s'est fait dans la paix, là, le calme, puis c'était vraiment juste une réflexion où tout le monde arrivait, en fait, surtout Jacques, arrivait à cette conclusion-là, mais nous aussi, on comprenait très bien le cheminement. Donc voilà, si vous avez des questions, puis que Jacques va vous adresser la parole tantôt, vous pourrez toujours le faire. Jacques, je suis certaine qu'il va se faire un plaisir de parler avec vous. Michael, tu avais une question? 16 octobre après le culte, c'est ça, on aurait un temps de partage, tout le monde ensemble. Oui, effectivement. Donc voilà, est-ce que ça convient? Donc, c'est toujours difficile de faire des annonces comme ça. Vous mettez. Mettez-vous à ma place. Je vais laisser Jacques, parce que je pense que son partage a un lien direct avec tout ça. Donc, que je vais écouter sur le blog. Oui? Non? Oui? C'est bon? C'est bon? OK. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur le blog et écouter les partages qui sont apportés. Donc, celui de Yann. Yann a apporté le dernier partage qu'il a apporté. J'ai trouvé qu'il était excellent. Et puis, j'aurais souhaité que davantage de personnes entendent ce partage de Yann. Alors, ce matin, contrairement aux autres matins, je n'ai pas mon grand cahier parce que je n'ai pas vraiment un partage biblique à apporter. Sinon, simplement de parler un peu de faire un bilan, hein, faire un bilan et donner les raisons aussi de mon départ en ce moment-ci de l'histoire de cette communauté. Je dirais que je me sens, enfin, comme j'ai dit, j'ai pas grand-chose de préparé, je vais parler, hein. Mais je ne vais pas parler pour parler. Je vais parler pour quand même dire quelque chose. Je me sens un peu comme Paul. Lorsque Paul disait, j'ai le désir de m'en aller, mais Paul, lui, c'était pour s'en aller avec le Seigneur. Hein? Il dit, j'ai le désir de m'en aller et être avec le Seigneur, et j'ai aussi le désir de rester et encore être avec vous. Dans mon cas, moi, ben, c'est de quitter pour passer à autre chose. Mais je dirais que c'est pas c'est pas à regret, parce que c'est un choix que je fais, hein? C'est un choix que je fais, et je le fais en toute conscience, donc c'est pas à regret, mais avec chagrin, hein? Je suis triste parce que je me suis attaché à vous pendant 4 ans, lorsque je suis arrivé au mois d'août 2007, alors ça fait, hein, 4 ans, exactement, et un mois que je vous accompagne pastoralement. Que j'ai agi envers la communauté comme un consultant, hein, et pour vous accompagner pastoralement. Et je quitte avec, je pense, mission accomplie, pas totalement satisfait, c'est sûr. Je suis triste de voir qu'en chemin, il y a des gens qui ont quitté la communauté ou sont moins assidus à la communauté. Et puis, mais quand même, si je quitte en ce moment, c'est parce que je pense que la communauté elle-même rentre dans une autre étape. Et dans ma vie à moi, je pense à une autre phase de ma vie. Quand j'avais quitté Rosemère en 2004, j'entrais aussi dans une autre phase où j'allais en mission en Haïti, superviser la mission que nous avions là. Quand je suis venu pour vous accompagner, c'était une autre phase, hein, une phase d'accompagnement de la communauté. Et je pense aussi qu'en ce moment, je rentre dans une autre phase encore de ma vie, alors que je compte développer le projet qui me tient à cœur aussi pour la République dominicaine. J'en parlerai un petit peu à la fin, si le temps nous le permet. Okay? Fait qu'on ne sera pas trop long ce matin. C'est ça. Donc, l'Ecclésiaste va dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Des fois, je m'étonne qu'on c'est vrai que quand quelqu'un part, hein, il y a un décès. Hein, c'est très simple, parce que c'est un départ. Mais en même temps, c'est la vie. Hein? On naît, on meurt. On arrive, on part. Il y a un temps pour toutes choses. Dans un autre texte, Paul va dire, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dans mon cas, moi, d'autres ont planté, j'ai arrosé, mais à quelque part, on plante tous quelque chose. Hein? On plante des semences, des pensées, des perspectives, des façons de voir. Alors, la communauté, hein, quand je suis arrivé en 2007, alors, plusieurs d'entre vous qui êtes là ce matin, vous ne faisiez pas partie de la communauté en 2007. Donc, vous ne savez pas exactement quelle était la situation, dans quel contexte que le conseil m'a demandé de les accompagner pastoralement. Mais c'était un temps de, je pense, de guérison, un temps de penser des blessures, de rebâtir intérieurement l'estime de soi, rebâtir intérieurement l'amour, la grâce de Dieu dans les vies. Alors, je pense que plusieurs des partages que j'ai apportés durant ce temps-là, parce que au début, j'apportais la parole 3 fois par mois. Denise en apportait un. Un autre mois, c'était Michel Landlois, Daniel. Mais la plupart du temps, j'apportais 3 partages par mois. Et puis, on rebâtissait quelque chose. On pensait. Hein? Et j'ai aimé ce travail que j'ai fait. De vous accompagner, d'accompagner les gens dans cette phase de la communauté. On a pris le temps aussi, parce qu'on a vu le besoin, donc, de se définir comme communauté. Il y a un document qu'on a produit, je ne le vois pas sur la table maintenant, mais on a un document qu'on a produit, « Se définir pour mieux servir ». Parce que durant l'année 2010, après deux ans et demi d'accompagnement, on a vu le besoin de se définir, de dire mais maintenant, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et puis, comment nous voulons servir la communauté dans laquelle nous sommes? On a passé une année, je trouve, fructueuse. 2010 a été une année fructueuse de discussion, de partage. Je l'ai mentionné, puis je le dis encore ce matin, combien que j'ai aimé les temps où, avec les tables de travail, nous avons passé des heures à discuter et à se définir, à dire qui nous sommes. Hein, ben, il y avait des bonnes discussions enrichissantes que j'aurais aimé que toute la communauté participe à ces échanges-là, parce que c'était pas d'enseignement, c'était les membres de la table, hein, qui échangeaient comment ils voyaient la communauté. On aboutit à un document qui dit qui nous sommes. J'espère simplement, comme j'ai déjà mentionné il y a quelques mois, je pense que c'est le dernier dimanche de juin, où j'avais voulu mettre les points sur les i et les barres sur les t, en disant que j'espérais que ce document ne demeure pas simplement un écrit, mais que ce soit quelque chose que nous vivons, que nous mettions en pratique. Justement, hier, j'étais dans un congrès par rapport à l'entreprise USANA, dans laquelle je m'implique. C'est un conférencier qui disait « Mets tes bottines où sont tes babines. Hein? » C'est beau de parler, c'est encore mieux de faire, de passer à l'action puis de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on se met en voie de dire « Voilà vers quoi nous allons. » Et ce sont des valeurs. On a parlé de des valeurs très importantes. Si je quitte en ce moment, ce n'est pas à cause de ce document, bien au contraire. Je pense même que le document ne va pas assez loin. OK? Alors, vous n'êtes pas encore assez libéral pour moi. J'irai encore plus loin dans le document. Mais je pense que déjà le document dit beaucoup sur nos valeurs, d'une belle ouverture. Et j'espère que dans l'avenir, vous irez encore plus loin dans votre ouverture. Donc, le document est là de se définir. Entre autres, on a voulu aussi restructurer, parce que la communauté, lorsque je suis arrivé en 2007, la communauté n'avait pas de convention. Alors, on n'avait pas vraiment de règlement interne de l'Église, à savoir comment on gère les choses, advenant la vente du bâtiment, ou comment on change de pasteur, ou les opérations internes, on n'avait aucun document dans ce sens-là. Alors, on a senti le besoin aussi, donc, d'avoir une convention. Et l'année 2010, elle a servi aussi de mettre au point, de travailler avec une table, hein, il y a eu des membres de la table de la convention, où on a préparé une convention, à savoir quels sont les règlements internes de cette communauté, comment les affaires se déroulent. Et c'est là qu'on a décidé d'avoir deux conseils, un conseil de dirigeants, hein, qui est plus pastoral, qui apporte les soins pastoraux, aussi bien que, à savoir, le fameux terme, hein, d'évangélisation, comment être présent à la communauté, comment annoncer la bonne nouvelle. Alors, il y a un conseil de dirigeants qui dirige spirituellement et socialement la communauté, comme on a vu bon d'avoir un conseil de gestion, hein, d'administrateur, qui administre les biens temporels de la communauté, donc le bâtiment, la conciergerie, les achats, etc. Et puis, je pense que ça fait partie du mandat que j'avais d'accompagner la communauté dans cette réorganisation, restructuration de l'Église chrétienne du Roi des Rois. Juste à ce moment, c'est notre nom. Et puis, vous verrez dans le futur si vous changez le nom, oui ou non. Donc, sur ce point-là, pour moi, c'est mission accomplie. Parce que c'était une étape d'accompagnement. Je vous ai accompagné. Je pense que la communauté maintenant, et là je parle de l'avenir, du présent et de l'avenir, je pense que la communauté est présentement dans une autre étape. C'est une période de transition. On était en transition. Maintenant, on rentre dans une étape de bâtir la communauté. Vous avez remarqué, vous qui êtes là depuis un bon temps, vous avez remarqué comment tu as tous les dimanches, même durant tout l'été, comment tu as constamment des nouvelles personnes qui viennent, qui nous visitent. Certains ont signalé, ont signifié leur désir de s'attacher à cette communauté, dont Vivian la semaine dernière, puis je l'ai mentionné. D'autres personnes ont signalé leur intention de s'attacher à cette communauté. Alors, je pense qu'on rentre dans une étape de bâtir la communauté. Dans ma vie, si je peux vous parler un peu de ma vie à moi, mon passé, dans le passé, j'ai été un implanteur d'église. Alors, des églises, j'en ai fondé avec des équipes, parce que je ne travaillais jamais seul, je travaillais en équipe. Louise Gay, qui me connaît depuis assez longtemps, dans la famille d'église à laquelle j'appartenais, alors j'avais le titre officiel d'implanteur. Alors, j'allais avec des équipes implanter des églises. Un peu partout au Québec, au Saguenay, par exemple. Ce matin, je me suis réveillé tôt. Parce que je réfléchissais à ce matin, ce que je voulais partager avec vous. Et je repensais à justement au travail d'implanteur avec les équipes que nous avons faites au Québec. Et puis, il me revenait des scènes cocasses. À Arvida, entre autres. Et là, Myriam traînait un peu Arvida. Et avec une équipe de six. Et là, la façon dont on opérait, c'est qu'on tenait une semaine de réunion spéciale qui s'appelait « Viens et vois ». Conférence « Viens et vois », où on priait pour des malades. On commençait par la guérison, on finissait par le salut. Et on a vu de belles guérisons. C'était un, me dit Jacques, Dieu ne guérit plus personne. Je vais vous dire le contraire, parce que j'ai vu de belles guérisons. Dans ma famille, moi-même, mais aussi pour des gens pour qui on priait. Alors oui, j'ai vu entre autres, une femme sourde entendre. J'ai déjà vu une femme paralysée marcher. J'ai déjà vu un petit bonhomme avec un cœur qui, je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait au cœur, mais qui ne pouvait à peine marcher. Et de prier pour lui, puis de le voir courir autour de la salle. Et puis, donc on commençait par la guérison. Dieu agissait, faisait des choses, les gens revenaient pour voir, puis on finissait par le salut. Et puis, un autre scène cocasse, et là c'est sur Arvida, c'est qu'on avait, on le voit tout le temps, on arrivait, on voulait louer une salle, il fallait trouver un local. Puis Arvida, on n'avait trouvé rien. Sinon, l'aréna. L'aréna d'Arvida. T'imagines, toi, hein, comment c'est grand, un aréna? Alors, on aurait placé une quarantaine de chaises sur la, hein, au centre de la patinoire, puis c'était en été. Alors, imaginez-vous, il se présente peut-être 15-20 personnes dans ce, dans ce grand aréna, mais on prêchait, comme ça avait 1000 personnes. Hein? Si Jean-François était là ce matin, il rirait bien aussi. Par contre, il y a un autre endroit, juste pour vous raconter une anecdote comme ça. C'était à Sorel. Et puis, là, on avait loué un cinéma. Puis, là, on avait un peu changé, parce que c'était dans le temps où c'était le film Armageddon de David Wilkerson était sorti. On se servait du film Armageddon pour évangéliser. Aujourd'hui, je ne veux même pas voir le film. D'accord? Je ne veux même pas le voir. Je l'ai vu des centaines de fois, sinon des milliers de fois. Parce qu'on s'en servait. Et à Sorel, donc, on loue un cinéma. 300, 400 personnes, je ne me souviens plus du nombre de personnes qui rentraient dans le cinéma. On loue le cinéma pour montrer le film. Puis là, on se dit, mais on va-tu le remplir, le cinéma? En fait, on avait distribué, passé toute la semaine à distribuer de porte en porte un feuillet qui invitait des gens à venir voir le film. Et puis, on avait notre petite équipe de 6 personnes, hein, formées à faire, hein, à conseiller des gens. Après avoir montré le film, alors, moi, je venais en avant, je prenais le micro, et là, je faisais un petit speech de 5 minutes pour faire une invitation au salut. Alors, je fais une invitation au salut, les gens sont debout, et là, je dis, tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, venez en avant. Toute la salle est venue. Toute la salle est venue. Et là, nos conseillers, hein, l'équipe me regarde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a fait une prière générale. C'est ça. Donc, c'était quand même un temps merveilleux. J'étais un bâtisseur. Dans ma vie personnelle, quand je suis venu pour vous accompagner, j'étais rentré déjà dans une autre phase de ma vie, où le travail d'accompagnateur, de consultant, même quand j'étais retourné à Rosemère en 1999, déjà j'étais retourné comme consultant, et non pas comme pasteur de l'Église, mais pour conseiller, pour aider. Dans ma vie personnelle, donc, je suis dans cette phase, non pas de bâtisseur, mais d'accompagnateur. Dans le temps où j'ai été bâtisseur, je vais vous donner un autre exemple matériel, physique. Il y a eu un temps où on achetait beaucoup de maisons pour en faire des communautés. Louise, tu as sans doute visité une de nos communautés, hein? Une communauté, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Tu sais, ça se passe dans les années 80, 70-80. Et puis, je donne un exemple à Rosemère, où on était environ 500 personnes, 80% des membres de l'Église avaient moins de 25 ans. Parce que c'est les jeunes qui répondaient. Il y avait une mouvance en ce temps-là. Dommage qu'on n'a pas su bien conserver la récolte. Mais on avait des maisons communautaires parce que les jeunes, souvent, ils demeuraient plus chez leurs parents, puis pour les encadrer, donc on avait des maisons communautaires. À un moment donné, on avait, juste à Rosemère, environ quasiment une dizaine de maisons communautaires. Et puis, tant qu'on achetait une maison, moi, tant que j'entrais dans une maison, et là, peut-être Gérard va s'identifier à ça, tant que j'entrais dans une maison, je regardais et je disais, bon, tel mur qu'on va jeter à terre, telle rénovation qu'on va faire, comment on peut modifier cette maison-là pour la rendre plus, hein? Et puis, on achetait une maison, puis on la modifiait, on la rénovait, on l'agrandissait pour accueillir plus de monde. Quand j'ai acheté mon condo à Montréal, mes amis se disaient entre eux, « Check bien ce que ce genre va faire. Check bien ce genre de rénovation qu'il va faire. » Surprise, j'en ai pas fait. Et c'est là que je réalisais que dans ma vie, je passais à une autre phase. D'une phase de bâtisseur à une phase d'accompagné. Hein? C'est pourquoi, là, je vais faire le lien avec la communauté ici. Une raison pourquoi aussi que je quitte. Hein? Donc, Paul va dire, j'ai le désir de quitter, j'ai le désir de rester. Et là, moi, c'est l'inverse de Paul. C'est l'inverse. Parce que Paul va dire, mais à cause de vous, je vais rester. Moi, je vais dire, à cause de vous, je vais partir. À cause que la communauté rentre dans une phase de bâtir, de se développer. Et que je ne sais pas. Il me semble que mon mandat que j'avais d'accompagner, je l'ai réalisé. Et que maintenant, d'autres vont bâtir. Je pense que ça prend. Je l'ai partagé avec le conseil de dirigeants. Je pense que dans une équipe pastorale, ça prend un porteur de ballon, comme dans une équipe de football. Hein? Ça prend un porteur de ballon. Ça prend quelqu'un qui court avec le ballon pour compter les buts. Alors, ça va être donc une réflexion du conseil. Soit quelqu'un de l'extérieur qui vient pour porter le ballon. Mais, c'est ça, donc, pour un temps, c'est sûr que l'équipe pastorale, je pense, de bons éléments qui sont présents dans la communauté et que les dirigeants en place vont continuer et peut-être qu'ils iront vers l'extérieur pour trouver quelqu'un qui va mener la communauté un peu plus loin. Je cherche juste de bien dire les choses. Donc, ma présence ici va être jusqu'au 30 septembre. Et ma dernière fonction officielle sera de célébrer le mariage de Michael et de Daisy. Ça finit bien, hein? Mais je suis bien content que ça finisse par une célébration de mariage. On va s'amuser cette journée-là, Michael. Hein? OK. Je reviens à ce que je voulais dire. Un porteur de ballon. Il y a un défi. Là, j'aimerais vous parler à l'horizontale. Je veux vous communiquer quelque chose. J'aime relever des défis. Et je dois dire que, comme Denise a dit, j'ai pris l'été pour réfléchir. Parce que le défi, même si je pense être passé à une autre phase, je vois tellement le potentiel dans cette communauté, aussi bien que les défis dans le quartier, que ça me tente, hein, ça me tentait de demeurer puis de relever le défi. Passion et défi à relever. Mais, comme j'ai déjà mentionné, je pense que c'est mieux que quelqu'un d'autre relève ce défi-là avec vous, de porter le ballon. Pour ce faire. Et là, si j'étais, je vous dis là, je parle à l'horizontale. Si j'étais demeuré pour relever le défi, il y aurait eu trois conditions, trois éléments. Dont l'une était que la communauté s'engage financièrement. Parce que si vous voulez un porteur de ballon, bien, il faut que le porteur de ballon se concentre sur porter le ballon. Ouais? Donc, je parle à l'horizontale. La fidélité dans vos dîmes, vos offrandes, vont faire que le conseil de dirigeants va pouvoir trouver un porteur de ballon. Vous me comprenez? Parce que, en ce moment-ci, hein, comme je disais, je partageais avec les jeunes, les adultes au souper mercredi, ou peut-être ce n'est pas avec eux autres, peut-être c'est avec quelqu'un d'autre que j'ai partagé. On me rémunérait à temps partiel, mais être pasteur est un travail à temps plein. Parce que beau être payé à temps partiel, ton énergie, ton focus est 24 sur 24, 7 sur 7. Hein, c'est pas bon. Ce matin, je me lève et je ne prierai pas pour la communauté, je vais juste prier pour moi ou pour mes amis. Hein, là, si on ouvre la Bible et qu'on la médite, c'est toujours en fonction de comment on peut bénir la communauté, comment on peut rejoindre la communauté, comment on peut accompagner la communauté. C'est une énergie constante. Donc, je dirais que trouver un porteur de ballon, peut-être qu'il va vous accompagner encore plus loin, un autre pasteur, un autre. Ça va demander de votre part une fidélité dans votre contribution, dans vos dîmes, vos offrandes. Moi, je n'aime pas le discours. Je m'en vais, hein? Je m'en vais. Je suis capable de dire n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui président en avant. Puis qui vont dire, s'ils avaient à cœur de donner, donnez. Je vais vous dire une chose, moi. Si vous êtes membre de cette communauté, ce n'est pas une question d'avoir à cœur. Avez-vous à cœur de payer votre loyer? Moi, j'ai des frais de condo à payer à tous les mois. Est-ce que j'ai à cœur de payer mes frais de condo? Pas tout. Est-ce que j'ai à cœur de payer mon compte de l'électricité? Pas tout. Mais je le fais. Comme communauté, vous vous donnez un bâtiment, vous vous donnez aussi un désir de rentrer dans le projet de Dieu et d'avoir des dirigeants qui doivent consacrer leur énergie, qui doivent. Ben, j'ai à cœur de donner. C'est une obligation de dire, je veux faire ma part. Je veux contribuer avec les autres au loyer, au coût d'opération de ma communauté. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je veux dire, mais comme je dis, je m'en vais. Autrement, si on ne contribue pas, on devient des parasites. Parce que d'autres paient pour nous des services que la communauté s'offre. Et moi, je ne sais pas qui donne et qui ne donne pas. Hein? C'est Daniel qui savait ça dans le temps qu'il était trésorier, maintenant c'est Alphonse. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Parce que, donc, la fidélité a contribué pour le maintien et le développement de cette communauté. Cette communauté, comme j'ai dit, il y a plein de potentiel. Un des mots de la société, on mentionne ça entre autres. Que ce soit des philosophes, que ce soit des sociologues dans la société, on va parler de l'individualisme. Hein? Que l'individualisme est le mal de ce siècle. On confond parfois individualisme avec individualité. On remarque, n'est-ce pas? On remarque dans la société et dans l'Église. On remarque même des chrétiens hein, qui vont dire ben, « je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Je suis capable de servir Dieu à la maison. Hein? Je n'ai pas besoin de l'Église. » Ça, c'est de l'individualisme. Parce que le projet de Dieu est communautaire. Le projet de Dieu est collectif. Je l'ai mentionné déjà, Glenn l'a mentionné aussi, qu'une erreur qu'on a faite, c'est de mettre l'emphase sur le salut individuel. On a oublié le projet collectif de Dieu par rapport à l'Église, à la communauté, comme étant présence de Dieu au monde. Je l'ai mentionné cet été, puis je le répète en partant. Que de même qu'Israël devait être une démonstration, l'Église doit être, tel est le terme que je me servais. Vous vous souvenez? Je ne me souviens plus. Un microcosme, voilà. L'Église est un microcosme du royaume de Dieu, du projet de Dieu. Dans nos relations, par notre façon d'interagir ensemble, on devient un microcosme du royaume de Dieu. En petit, c'est là que Paul va dire, ou Jésus plutôt va dire, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Parce que le monde va voir ce microcosme du royaume de Dieu, de par nos relations. Donc, la communauté est importante, l'Église est importante. Charles Taylor disait, a écrit un livre « Grandeur et misère de la modernité ». Comme vous savez, c'est qui Charles Taylor, hein, le philosophe québécois. Il a participé avec Bouchard à la commission là, sur les accommodements raisonnables. Hein. Il y avait Charles Taylor et Bouchard. Alors, Charles Taylor est un philosophe pas seulement connu au Canada, mais mondialement, c'est une sommité comme philosophe. Il disait... Nous avons besoin des autres pour nous accomplir, mais pas pour nous définir. Nous avons besoin des autres pour s'accomplir. Pour accomplir le projet de Dieu, pour entrer dans le projet de Dieu, j'ai besoin des autres. Mais ma définition personnelle, ce n'est pas à partir des autres. C'est moi qui bâtis ma propre définition, qui je suis. Mais par contre, pour accomplir le projet de Dieu, j'ai besoin des autres. Quelqu'un disait, j'ai bien aimé Je ne me souviens plus qui l'avait dit, mais il avait dit il faut faire la différence. Hein? Il y a une différence entre l'individualisme et la célébration de la créativité individuelle. Je vais le citer. Une différence entre l'individualisme et célébrer l'individualité créatrice de chacun, chacune. Hein? Chacun de nous, nous sommes des individus. Puis on doit célébrer cette individualité-là. Que chacun de nous, on est différent avec des dons, des potentiels. On peut être. Moi, je rêve. J'aurais aimé, parce que c'était pour dire, un premier élément là, pour avoir, hein, si j'avais dû rester, ça aurait été de un, qu'il y ait un engagement de la communauté. Deuxièmement, ça aurait été qu'on s'enligne sur les 10 questions de Brian McLaren que l'Église doit se poser. L'avais-tu lu, Louise? 10 questions qu'on doit se poser. Et je me serais enligné là-dessus. Et Brian McLaren va développer, entre autres, comment on peut être une communauté tout en ayant des opinions différentes, arriver à des conclusions différentes, et pourtant être ensemble dans le projet de Dieu. L'unité n'est pas l'uniformité. On peut être unis sans tous penser à en arriver aux mêmes conclusions. Je donnerai pas d'exemple. Okay? Je donnerai pas d'exemple. Je laisse votre créativité. Imaginez des exemples. Comment on peut arriver à des conclusions différentes et pourtant faire partie du projet de Dieu, être en communion dans une communauté chrétienne. La communauté chrétienne. La communauté chrétienne, c'est plus que la réunion du dimanche matin. On s'entend? On s'entend? Il y a eu un temps. Mettre l'emphase, appartenir à la communauté chrétienne, mettre l'emphase sur la communauté, ça ne veut pas dire retourner au paradigme ancien où notre vie tournait autour de l'Église. Vous me suivez? J'ai eu un temps où pasteur hein, de différentes Églises, la vie des gens, on prêchait dans ce sens-là, la vie des gens tournait autour de l'Église. Réunion dimanche matin, dimanche soir, mardi soir, jeudi soir, prière, samedi, évangélisation. Hein, tout tournait autour de l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit retourner à ce paradigme où on tout tourne autour de la communauté. On est sel et lumière. Oui, on est. Mais par contre, la communauté, je dis bien, c'est plus que le dimanche matin, c'est aussi ensemble participer à des activités, à des projets communautaire, mais aussi à des activités, à des projets en lien avec la présence de Dieu dans le monde. Anciennement, le mot évangélisation. Hein? Être présence de Dieu. Les plus chers de l'Éden qu'on a fait, hein, il y a quelques dimanches, c'était un pont. Ben, plein d'activités comme ça qu'on peut faire. Je sais qu'il y a des gens qui avaient plein d'idées pour l'usage de cette salle, même à l'extérieur, des projets qui témoignent de la présence de Dieu au monde et de l'amour de Dieu. Ben, ce n'est pas juste un petit groupe de personnes qui doit faire ça. C'est là que je dis que lorsqu'on appartient à une communauté, on participe non seulement au dimanche matin, mais on participe à d'autres activités. de projets, ensemble, en vue de témoigner au monde de la présence de Dieu et de son amour pour eux. Voilà. Dans mes notes, j'ai marqué « l'après ». Parce que certains d'entre vous m'avaient demandé, genre « après, qu'est-ce que tu fais? » Vous allez me revoir. Mais pour quelques mois, vous ne me verrez plus parce que c'est toujours bon, lorsqu'il y a un changement pastoral, de laisser les coudées franches à ceux qui prennent la relève. Et ça évite aussi à celui qui part de parfois d'être frustré parce que les choses ne changent pas à la façon dont il voudrait. Vous me suivez? Sans doute, je serai absent pendant quelques mois. Je vais peut-être m'impliquer dans d'autres communautés chrétiennes. Il y a aussi mon projet par rapport à la République dominicaine. Entre autres, il y a quelques semaines, deux semaines, on dit en anglais « You made my day ». Vous comprenez l'expression en anglais? « You made my day ». Hein? T'as fait ma journée. C'est un soleil, quelque chose de beau qui est arrivé. « You made my day ». C'est la fameuse phrase, je pense, d'Arnold qui dit « Made my day ». Mais pas dans ce sens-là, dans le sens que quelque chose de beau, de joyeux, de content. J'ai eu des nouvelles de deux jeunes, du centre des jeunes, dont je me suis occupé en Haïti, dont Jordanie Gideon et Dieu juste Basile. Et puis, j'ai été surpris de voir, j'avais une demande d'amis sur Facebook de Jordanie pour m'annoncer qu'il a terminé son classique et qu'il est prêt, la prochaine phase pour lui, c'est ça d'aller à l'université. Mais, après le classique, Vision Globale ne parraine plus les jeunes. Alors, je me suis dit, écoute, Jordanie, c'est trop tôt maintenant. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Parce que c'est un projet que j'aurais de développer avec la mission que j'ai mise sur pied, Fondation Partage solidaire. Parce que ce n'est pas tous les partages qui sont solidaires. Il y a des partages qui sont faits par intérêt. Right? Alors, on a mis sur pied une nouvelle mission qui s'appelle Fondation Partage solidaire. Et avec cette fondation-là, une façon pour moi d'agir, si j'allais en mission en République dominicaine et aussi en Haïti, les deux, serait de cibler des jeunes, soit comme Jordanie, qui sont arrivés à une étape où ils ont besoin d'une bourse d'études pour aller plus loin dans leurs études, ou bien là, des jeunes 10, 11, 12 ans, mais que la famille a de la difficulté à les envoyer à l'école, et puis que nous, on arrive avec une aide ponctuelle pour leur permettre de continuer leurs études. Cibler des jeunes brillants, des jeunes que tu sais, qui sont sérieux, puis qui sont des bons jeunes. Comme quand je pense à Jordanie, puis à Jujus, c'était deux de nos meilleurs. En tant que discipline, en tant qu'études, les notes qu'ils avaient à l'école, le sérieux, c'était pas des jeunes qui nous posaient des problèmes. Et quand j'ai su que ils avaient maintenant terminé leur classique, ils avaient réussi. Et puis, je me suis dit, voilà, je trouvais que ça tombait en phase avec cette nouvelle phase de ma vie de retourner m'impliquer dans la mission. Pour le moment, je vais être toujours à Montréal. Je vais travailler donc à refaire mes finances avec mon entreprise Usana. Fait que vous allez m'entendre parler d'Usana. Et puis, mais donc, me concentrer là-dessus pour refaire des finances. Et puis, mais en perspective de la mission en République dominicaine et en Haïti. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a vraiment réjoui mon cœur de voir d'avoir cette nouvelle de Dieu juste et de Gédéon. Donc voilà, j'ai partagé avec vous l'après. Je vais peut-être plus tard devenir membre de la communauté. On verra. En temps et lieu, j'espère que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je dis, c'est pas un regret que je quitte, parce que c'est mon choix. Mais ça m'attriste de quitter des gens à qui je me suis attaché. On va se revoir. On va se revoir. Cette semaine, j'ai eu une autre demande d'amis sur Facebook. De Yves Côté. Yves, alors celui qui était là depuis longtemps, vous savez, c'était Yves. Yves Côté. Alors, avant-hier, vendredi, j'ai reçu une invitation d'amis sur Facebook de Yves Côté. Alors, ils vont bien, ils vont bien. Puis, c'est encourageant de reprendre contact avec des gens qui étaient dans la communauté. Yves et sa famille sont déménagés à Joliette. Hein? Mais ça a été un trou, ça. Hein? Ils ont quitté, ils avaient 5 enfants. Alors, d'un coup, il y a 7 personnes qui sont parties à Joliette. Mais ils vont bien. Alors, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Dieu est bon. Il y avait un clip vidéo que je voulais vous montrer. OK, mais là, c'est merci. Merci, Daniel, pour toutes les fois que j'ai apporté des partages. Tu t'es occupé du diaporama, à mettre les clips, à t'occuper aussi du blog. Merci, Daniel. J'ai apprécié. Et puis, c'est ça. Merci à tout le monde pour votre amitié. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. On va terminer. Le clip, c'était... attends une minute. Le chant, c'était... Mon seul abri. Je vous racontais tantôt les interventions de Dieu dans nos vies. Je parlais des guérisons. Hein? L'intervention de Dieu. Dieu qui est guéri. Durant mes 4 ans à vous accompagner, je n'ai pas tellement parlé de ça. Hein? On était ailleurs. Mais Dieu agit, Dieu intervient. Et quand je pensais justement à mon départ, je vais être très humain avec vous. Hein? Hein? Je suis humain. Je vais vous partager humainement que... quand on passe d'une phase à une autre, ce n'est pas sans inquiétude. Ce n'est pas sans parfois avoir une certaine anxiété. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et cette semaine, je raconte ça comme ça. Puis là, le chant me revenait. Mon seul abri, c'est toi. Toujours. Puis là, j'étais assis dans mon fauteuil, en train de prier, de méditer. Et là, chacun me revient. Et puis, Alors, je vais. Là, les paroles m'échappent parce que je n'ai pas toutes les paroles. Je ne me souviens pas toutes les paroles. Alors, je m'en vais sur l'Internet. Hein? Je tape le chant. Puis là, il y a plusieurs clips vidéo sur YouTube qui apparaissent. Et puis, dont un, c'est celui que je voulais vous faire entendre. Donc, vous irez sur le blog de l'entendre. Et c'est donc un groupe qui chante. Mon seul abri, c'est toi. Ça commence très doucement. Puis ensuite, c'est des rappeurs. Hein? Ils chantent, puis. Puis j'ai dit, je voulais vous faire jouer le clip juste pour vous faire souvenir de demeurer une communauté jeune et ouverte. Jeune et ouverte. Pas vous fermer. Être ouvert. Faites de la place. Faites de la place aux jeunes. C'est ça. Et j'étais pour dire, donc, dans ce chant-là, me vient à l'esprit. Et puis, il y avait un petit peu d'anxiété. Bon, c'est pas la prochaine étape, Seigneur. Vous m'avez déjà entendu dire et parler contre la dépendance pathologique sur Dieu. Justement, hier, je parlais avec un jeune. Dans son discours, il est dépendant pathologique. Okay? Cet homme, il n'est pas capable de traverser la rue sans Dieu. Il est en Dieu d'un bord de la rue, puis il est sans Dieu de l'autre bord de la rue. Non, non, Dieu est toujours avec toi. C'est une dépendance pathologique. Donc, je n'ai pas de dépendance pathologique. Par contre, j'ai une confiance en Dieu. Hein? On interagit. Je vis ma vie en référence au Dieu de Jésus-Christ. Et je pense que Dieu intervient dans nos vies. Il nous guide. Il guide nos pas. Il agence des choses. Et juste une consolation, que je vous donne ce témoignage-là. Alors que je priais, l'image me venait, vous allez rire, l'image me venait de Tarzan. Hein? Qui se lance d'un arbre à l'autre en s'accrochant à une liane. Hein? Puis il y a toujours une autre liane. Hein? Prête à. Et l'image que j'avais, c'était Dieu, tu as toujours lancé une corde, juste au bon moment, que j'ai pu saisir toujours dans ma vie. Et c'est vrai que le Seigneur, c'est bon. Il y a une liane qui m'attend. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. On va terminer par la prière. Amen. Merci Dieu parce que tu nous aimes. Nous sommes tes enfants. Et ton amour pour nous s'exprime de mille et une façons. On veut reconnaître aussi que nous n'avons pas un droit d'auteur sur la vérité, ni sur la compréhension du texte biblique. Nous n'avons pas de droit d'auteur sur la compréhension de ton projet. C'est dans le respect de toute cette panoplie de réflexions qui se font que j'ai voulu accompagner cette communauté en désirant créer une ouverture, non pas une fermeture, mais une ouverture. Continue, Seigneur, à nous accompagner, chacun de nous, dans cette démarche de cette grande variété que tu as placée dans la nature et que tu places aussi dans ton corps, le corps de Christ, l'Église, cet édifice. Paul aussi compare ta communauté à un champ que tu cultives. Tu cultives nos vies. Tu nous ériges en bâtiment, en communauté. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos choix. Dis-nous. Amen. Allez dans la paix.